certains étudiants m'ont demandé si je ne pouvais pas utiliser un micro, ce serait silencieux. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour ces auditoires parce qu'ils sont trop petits et que ça résonnerait trop. Ce sont des vieux bâtiments, hein, donc les planchers ne sont absolument pas insonorisés. Et donc ça dérangerait les cours d'en haut ou éventuellement d'à côté. Donc je vous ai fait quelques portraits, je me suis amusée à vous donner, surtout pour l'histoire du droit d'auteur qu'on parcourra assez rapidement. Ça nous permet peut-être de franchir les étapes de façon un peu plus imagée. Donc je vais aujourd'hui parcourir avec vous les différentes évolutions du droit d'auteur pour vous montrer comment nous sommes arrivés à l'époque actuelle. Alors avant de commencer cette évolution, je vais peut-être vous rappeler, j'en avais parlé un tout petit peu lors de la séance d'introduction, mais je vais peut-être vous rappeler un tout petit peu ce qu'est le droit d'auteur contemporain. On le verra évidemment dans les détails. Ici, je vais seulement le synthétiser pour vous permettre de comprendre l'évolution historique. Alors le droit d'auteur contemporain, c'est un droit qui est un droit de monopole, comme je vous l'ai exposé. Bon, un monopole, ça signifie, pour bon nombre d'entre vous, pas grand-chose, si. En droit, non. Je veux dire, pour les étudiants de gestion culturelle, pour les étudiants de droit, je crois que c'est un peu plus connu, puisqu'ils ont fait du droit de la concurrence. Mais un droit de monopole, c'est un droit donc, qui permet à une personne ou à un auteur de pouvoir exercer malgré tout un pouvoir très étendu, on ne va pas dire absolu, parce que ça, ce serait excessif. Il y a toujours des limites à un droit, notamment l'abus de droit, où il y a toujours des contraintes qui font qu'un droit n'est jamais absolu. Mais un droit de monopole, c'est un droit donc qui est extrêmement étendu et qui permet, si vous voulez, de s'opposer à l'égard des tiers, à l'exploitation non autorisée de l'œuvre. Donc c'est un droit qui est un droit à la fois de s'opposer, mais c'est d'abord un droit d'autoriser, lorsqu'il est exclusif. Donc un droit de monopole exclusif, ce qui est le cas du droit d'auteur, c'est une prérogative extrêmement puissante qui va faire que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Donc ça se traduit comme ça en pratique. Tout ce que vous n'avez pas autorisé, c'est simple, c'est interdit, sauf abus de droit, sauf si vous abusez de votre droit. Donc c'est un droit qui nécessite, en tout cas dans notre modèle de société, c'est pas nécessairement le cas dans tous les pays au monde, mais dans l'Union européenne, c'est aujourd'hui suite à l'harmonisation comme cela, le droit de monopole fait qu'il faut l'autorisation de l'auteur pour pouvoir utiliser son œuvre, sauf abus de droit et sauf limitation du droit d'auteur prévu par la loi. Donc la loi, comme on le verra plus tard, la loi va introduire un équilibre entre, d'une part, ce droit de monopole, cette propriété privée, et d'autre part, cette forme de propriété privée, parce qu'on verra que ce n'est pas un droit de propriété au sens propre du terme, et d'autre part, des exceptions, c'est-à-dire le respect d'autres intérêts que celui de protéger une œuvre. Ça peut être des intérêts, des limitations au droit d'auteur, des intérêts, par exemple, l'accès du public à l'œuvre, qui est un intérêt évident, l'accès par la presse à l'œuvre, le droit, par exemple, pour la presse, les médias, de reproduire certaines œuvres. Cela fait partie des exceptions en matière de droit d'auteur. C'est une limitation au champ d'application, au monopole. Dans certaines circonstances, les médias doivent pouvoir reproduire les œuvres sans l'autorisation des auteurs. Par exemple, lorsque les médias font des comptes rendus d'événements d'actualité sur un sujet particulier, ils peuvent très bien reproduire les œuvres. Ils sont autorisés, si vous voulez. Ils n'enfreignent pas le droit de monopole de l'auteur. Ils sont par la loi autorisés. Les médias ne doivent donc plus, grâce à ces exceptions, ne doivent dès lors plus obtenir l'autorisation de l'auteur, l'autorisation préalable de l'auteur. Donc on échappe ici au droit de monopole. C'est donc une limitation au droit de monopole. Il y a d'autres limitations au droit de monopole, notamment des limitations qui sont prévues en matière de... Alors, il y a deux types de limitations, en matière de, par exemple, en matière de photocopie. Lorsque vous faites des photocopies d'une œuvre, vous utilisez pour vous-même l'œuvre. Vous allez la reproduire, vous n'allez pas acheter le livre, il ne faut pas que ce soit une photocopie trop étendue, ça vous le savez, mais vous pouvez photocopier certaines pages d'un ouvrage. Lorsque vous le faites, vous êtes malgré tout dans un système d'exception en droit d'auteur où vous pouvez le faire sans requérir l'autorisation de l'auteur, et pour cause, ce serait compliqué, effectivement, pratiquement, d'obtenir une autorisation d'un auteur si vous devez photocopier son œuvre. Par contre, le législateur a prévu, en compensation de cette exploitation, comme nous le verrons, une rémunération. Donc vous avez des exceptions au droit qui vont limiter le monopole, donc ce droit d'autorisation préalable. Dans certains cas, on ne doit pas obtenir l'autorisation de l'auteur, c'est prévu par la loi. Soit vous pouvez passer outre parce que la loi le prévoit tel quel, soit vous pouvez passer outre, mais vous devez prévoir une compensation, payer une compensation pour pouvoir bénéficier et utiliser l'œuvre selon les limitations qui auront été prescrites par le législateur. Alors là, ici, dans le cas que je cite des photocopies, l'étudiant ne payait pas directement une rémunération à l'auteur, mais l'université a conclu des accords avec les sociétés qui représentent des auteurs, donc, qui sont les sociétés de gestion de droits d'auteur, et donc l'université reverse, si vous voulez, paye chaque année un forfait à ces sociétés en échange et en compensation des photocopies et de l'utilisation privée que font les étudiants ou les professeurs pour leurs cours, notamment. Et cette rémunération est versée aux sociétés de gestion qui, elles-mêmes, alors les répartissent à l'égard de leurs membres. Bon, je reviendrai, mais c'est pour vous donner une idée plus claire de ce qui peut exister par rapport au monopole. Le monopole n'est pas absolu. Il peut être limité par la loi ou limité par l'abus de droit. C'est lorsque l'auteur va trop loin et qu'il abuse de son droit. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'abus de droit pour le moment, mais ce sont donc deux cas de figure qui font que le droit d'auteur peut effectivement voir son monopole érodé, limité, parce que le législateur a fait une balance des intérêts entre la libre circulation prétendue du savoir, l'accès à l'œuvre, l'enseignement, la recherche, l'éducation. Ce sont des valeurs qui ont autant de poids que la protection d'une œuvre. Et la difficulté, évidemment, d'une loi sur le droit d'auteur, c'est d'atteindre cet équilibre. Et de trouver un équilibre adéquat. Alors là, c'est là qu'entre la politique, puisque quand on a les débats au Parlement et qu'on revoit la loi, vous avez évidemment tous les différents représentants des différents intérêts qui sont autour de la table et qui vont chacun plaider pour la défense de leur intérêt respectif. Et la loi sur le droit d'auteur, c'est un peu la synthèse, en quelque sorte, de ces différents intérêts, sachant que son objectif, c'est de protéger l'auteur d'une œuvre, en tout cas en Belgique. Et qu'à certains égards, il a fallu, si vous voulez, abandonner quelques prérogatives de l'auteur dans certaines circonstances, parce qu'on a estimé qu'il y avait des intérêts, à certains moments, prépondérants à la protection de l'œuvre. Bon, si vous lisez la presse, vous lisez Le Monde aujourd'hui, on voit très très bien qu'on est dans une ère, par le numérique, une ère relativement anti-protection des créations, anti-droit d'auteur, anti-propriété intellectuelle. Vous trouverez dans Le Monde diplomatique des articles déclarant que la propriété intellectuelle, c'est du vol. C'est du vol par rapport au domaine public. Hein, c'est du vol, c'est-à-dire qu'on s'approprie. C'est une position, une prise. Moi, je ne la partage pas, même si on peut nuancer, et on peut comprendre que certaines personnes ont déclaré cela, pour certains aspects. Globalement, je ne la partage pas. Je pense que le monopole est important pour défendre les créations. Mais la propriété intellectuelle, c'est du vol, ça signifie qu'on s'est approprié par un droit de monopole ce qui, quelque part, devait relever de l'intérêt public, relève de l'intérêt public et devrait être libre d'accès. C'est ça cette dynamique de l'Internet, libre de droit, libre, cette liberté, pas absolue, mais quasi absolue, dont l'internaute doit bénéficier parce qu'on est dans un monde sans frontières. Bon, c'est un peu cette idée que Dieu créa Internet. Hein. Au moment de la création de l'Internet, lorsque c'est sorti de l'armée, il y a eu beaucoup de fantasmes autour d'Internet, beaucoup d'écrits. Et vous avez ce type, ça traduit bien le fantasme que Dieu créa Internet, comme si Internet était cet univers virtuel, ce nouveau monde dans lequel on allait pouvoir enfin goûter sans limite à beaucoup de liberté. La réalité, bon, c'est pas du tout le cas, que l'Internet est fort régulé, que les règles qui s'appliquent en dehors, dans la réalité de tous les jours, dans le monde réel et matériel, s'appliquent à l'Internet, et le droit d'auteur s'applique à l'Internet. Il y a bien sûr des adaptations. Mais cette phrase, le droit de la propriété intellectuelle, c'est du vol, est issue de cet univers de l'Internet, où notamment, où l'on souhaite effectivement permettre une espèce de monde sans frontières, sans limites et sans barrières. Alors, ce n'est pas que ça, dire que la propriété intellectuelle, c'est du vol. Je crois qu'il y a un autre volet dans je dirais que cette assertion un petit peu provocatrice. Il y a un autre volet qui est, à mon avis, relativement fondé. C'est le fait que certaines entreprises ou dans certaines circonstances, les législations ne sont plus faites pour protéger le véritable créateur, mais pour protéger l'industrie. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut se dire que certaines industries qui obtiennent soit le droit d'auteur ad initio, donc d'emblée, en vertu de la loi, soit l'obtiennent parce que l'auteur cède les droits à l'industrie, que ces industries ont un monopole, du coup, par ricochet, par voie de cession, par exemple, ou par effet de la loi, ont un monopole qui est trop long et qui entrave alors dans une certaine mesure une certaine forme de liberté créatrice. C'est quelque chose qui peut se discuter, qui peut se concevoir. On voit bien que dans certaines matières, il n'y a pas que le droit d'auteur, la propriété intellectuelle peut apparaître comme excessive et abusive, notamment dans le domaine des médicaments, dans le domaine où on voit parfois l'application, si vous voulez, dans certains pays tiers, si je parle de pays, par exemple, dans certains pays tiers, de législation continentale ou européenne ou américaine, qui sont extrêmement protectrices d'une industrie, notamment par brevet, par d'autres droits parallèles aux droits d'auteur. Mais c'est un débat qui est beaucoup plus large, dans lequel je ne vais pas entrer aujourd'hui. Je voulais simplement vous exprimer cette notion de droit, vous exposer cette notion de droit de monopole, pour que vous l'ayez bien à l'esprit, ce monopole qui est une arme redoutable et que du coup les entreprises souhaitent obtenir, puisqu'elle elle permet d'autoriser toute exploitation d'une œuvre. Et donc, ça signifie que s'il n'y a pas d'autorisation de l'auteur, il y a contrefaçon, il y a donc violation de la loi sur le droit d'auteur. Ce droit de monopole est une arme importante qui peut être extrêmement redoutable pour des entreprises qui ont obtenu la cession des droits d'auteur et qui disposent donc d'un avantage sur la concurrence, puisqu'elles peuvent empêcher, en quelque sorte, leurs concurrents d'exploiter le produit de la création qu'elles fabriquent. Donc, c'est vrai que ce monopole est un monopole qui est issu, qui a été détaillé énormément, qui était fortement, détaillé au XXe siècle, mais qui est issu dans son ensemble, notamment de la révolution industrielle. On voit que c'est un droit, ce droit d'auteur est un droit contemporain, un droit plus de l'eau, va devenir un droit, dans certains États, relativement économique. Il va avoir des prérogatives fortes sur des prérogatives économiques, patrimoniales, qui vont donc être centrées sur les revenus. À côté de cela, il existe des prérogatives morales que confère ce monopole, qui sont très importantes, notamment dans notre pays ou en France, dans d'autres pays ce n'est pas le cas, mais qui sont liées, ces prérogatives patrimoniales, à la personnalité du créateur, de l'auteur, celui donc qui va marquer l'œuvre de sa propre personnalité. Et ce sont toutes ces prérogatives, la paternité, droit à l'intégrité que j'aurai avec vous, c'est-à-dire le droit de s'opposer à toute destruction de l'œuvre. Donc, j'ai été ici assez rapide, mais de toute façon, pour vous donner une idée globale, je reviendrai sur chaque élément dont je vous ai parlé ici, que j'ai brossé ici un tableau très rapide pour que vous puissiez suivre l'historique du droit d'auteur. Mais je reviendrai sur chaque élément dans le cadre du cours, parce que chaque point est important pour le droit positif, c'est-à-dire le droit en vigueur à l'heure actuelle pour votre compréhension. Donc, c'est un droit qui est en tout cas attaché à la personne aujourd'hui de l'auteur, peut-être encore un point, dont on a beaucoup discuté au Parlement belge sur la question de savoir qui était propriétaire, entre guillemets, titulaire du droit d'auteur. À qui est-ce que ça doit bénéficier? Et je vous l'exprimais, le droit naît dans le chef du créateur d'une œuvre, de l'auteur d'une œuvre, celui qui écrit l'œuvre. Donc en Belgique, on a pris une option extrêmement claire sur l'identité de l'auteur. On le reverra, mais retenez déjà à présent, vous allez voir que dans l'histoire, ce n'est pas toujours le cas, l'auteur, c'est la personne physique, donc c'est l'individu. En droit, on parle de personne morale pour l'entreprise et de personne physique pour l'individu. Donc, dans la loi belge sur le droit d'auteur de 1994, mais devenue le code de droit économique, inséré dans le code de droit économique aujourd'hui, l'auteur, c'est quelqu'un. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas quelqu'un d'anonyme, c'est une véritable personne. Donc c'est fondamental hein, comme principe. Pourquoi ? Parce qu'on veut au départ véritablement protéger et rémunérer celui qui a créé l'œuvre. Alors c'est peut-être un peu utopiste à certains égards, parce qu'on voit très bien qu'en pratique, l'auteur va céder son droit à l'entreprise, à l'employeur, il va donc organiser le transfert de son droit. Néanmoins, le fait qu'on ait reconnu l'auteur comme étant la personne qui a créé l'œuvre est important. Pourquoi ? Parce que c'est l'auteur qui va en principe négocier sa rémunération. En principe, je dis bien, parce qu'il y a toujours des rapports de force inévitables. C'est bien que dans la vie, on ne peut pas faire l'économie des rapports de force. Enfin, on aimerait, dans certaines circonstances, qu'on va faire l'économie des rapports de force, mais on ne peut pas éviter ces rapports de force liés aux relations et aux pouvoirs économiques. L'auteur est parfois la partie la plus faible au contrat. Lorsque l'auteur négocie avec une industrie, il est la partie la plus faible au contrat. Il est exposé, si vous voulez, souvent à des services juridiques importants. Lui-même a souvent un conseiller juridique qui vient, dans certains cas de figure, même négocier tout seul. Donc, c'est vrai que l'auteur étant la partie la plus faible au contrat, le législateur a souhaité le protéger. Un peu comme le protéger. Donc, il y a une série de dispositions dans la loi sur le droit d'auteur qui lui sont favorables, qui lui sont plus favorables en quelque sorte, pour essayer de créer un contrepoids dans la logique économique entre l'auteur et l'industrie. Alors, ça peut se discuter, hein. On peut considérer parfois que ça va trop loin, ou ça va pas assez loin, que la norme n'est pas efficace, qu'elle protège pas bien, ou qu'elle protège trop. Ça, c'est un débat qu'on aura. Mais néanmoins, c'est la philosophie qui a imprégné la loi sur le droit d'auteur. Donc, la personne physique, l'auteur est la partie faible au contrat. Donc, on va essayer de le protéger un peu plus qu'on ne le devrait. Vous avez ce même type de débat dans beaucoup de domaines. Hein. Vous voyez dans quel autre domaine vous avez ce type de débat où vous avez des discussions sur la partie la plus faible au contrat ? L'allocation. L'allocation. Contrat de travail, exactement. C'est deux domaines emblématiques. Mais ça n'est, donc c'est la philosophie, au départ, originelle est la même, mais les difficultés de terrain ne sont pas du tout les mêmes, évidemment, que l'on rencontre. Et il y a parfois un plus grand déséquilibre, comme nous le verrons, dans le chef de l'auteur que dans le chef du travailleur ou dans le chef de... on ne peut pas comparer, tout n'est pas comparable. Mais la philosophie est en tout cas originellement la même, c'est protéger la partie la plus faible au contrat. Alors c'est une philosophie qui est celle du XXIe siècle, qui a été celle du XXe siècle en Belgique. Je dirais que c'est même au niveau international, dans les grandes conventions protectrices, c'est la même chose. C'est une volonté de protéger la création. Cette philosophie n'a pas du tout prévalu d'emblée dans l'histoire du droit d'auteur. Même si, et vous allez voir comment on est arrivé à aboutir à cette protection. Alors encore un mot avant d'examiner l'historique, ça n'a pas toujours prévalu. Et on va voir comment on a abouti à cette conception. Un petit mot, je voudrais quand même nuancer mon exposé, c'est que vous êtes conscient aujourd'hui que malgré tout, avec l'industrialisation de la culture que l'on rencontre, on est aussi de plus en plus confronté à une situation où les auteurs doivent adhérer à des contrats types, à des contrats d'adhésion, où il y a une perte de pouvoir aussi malgré tout, suite à la multitude la multitude des exploitations et à la longueur de la chaîne d'exploitation dans certains cas, ou à la rapidité de l'exploitation, notamment dans le numérique. Voilà, on peut considérer à la fois, c'est très curieux, parce qu'on est à la fois confronté à parfois des monopoles trop renforcés, et à la fois une fragilité du droit d'auteur, comme on l'a connu en partie dans l'histoire, on le verra, à une fragilité du droit d'auteur liée aux nouveaux modes d'exploitation. Donc on peut pas avoir une vision, je dirais, tout à fait, comme dans beaucoup de choses, on peut pas avoir une vision radicale. Il faut nuancer ce principe selon lequel la loi, que les auteurs sont très protégés, qu'en pratique, on est dans un droit exclusif, que c'est la volonté du législateur, que c'était la volonté au XXe siècle, XXIe siècle, de protéger la partie la plus faible au contrat. Tout ça est juste, mais il faut le nuancer, parce qu'en pratique, on se trouve confronté malgré tout avec les nouvelles technologies, et le développement rapide des nouvelles technologies, et surtout l'arrivée des acteurs over the top, c'est-à-dire ces acteurs qui viennent par le haut, style Google, WhatsApp, Facebook, tous ces acteurs qui sont un petit peu hors la loi parce qu'ils dérangent, ils sont ces acteurs destructeurs, entre guillemets, destructeurs d'un système, parce qu'ils se faufilent dans les failles d'un système pour pouvoir développer une activité économique et proposer des services qui sont aussi extraordinaires pour les citoyens à bien des égards, mais qui, par leur modèle technologique et économique, sont complètement, passent à travers les failles d'un système juridique, ou passent, parce que le mot faille peut avoir une connotation négative, passent dans un no man's land juridique, profitent d'un no man's land juridique. Et c'est ça qui fait le succès de ces acteurs au bord des tops, c'est qu'il faut des années avant de pouvoir trouver un consensus pour légiférer. Et donc, ils ont fait, pendant quelques années, ils ont développé une véritable success story, comme on dit, et ils peuvent s'installer, développer, et sans en passant à côté des grands principes qui ont été édifiés parfois pendant plusieurs siècles. Et on le reverra à propos de Google, je reviendrai sur les litiges menés à l'encontre de Google en matière de droits d'auteur, où Google a été quand même, en tout cas en Belgique, contraint de respecter la loi, même s'il ne voulait pas et s'il avait de très bons arguments pour essayer d'y échapper. Donc je reviens maintenant aux droits d'auteur et droits d'auteur, droits web. Donc je vais emprunter le chemin de l'école classique, hein, je vais reprendre un peu l'histoire du droit d'auteur et prendre quelques petits aperçus, parce que mon objectif, c'est un cours de droit, c'est pas un cours d'histoire, mon objectif est quand même de passer assez rapidement sur l'histoire du droit d'auteur, même si je trouve que elle va vous permettre, c'est pour ça que je donne quand même toujours l'histoire du droit, elle va vous permettre de mieux comprendre la logique d'un système, du système juridique contemporain, malgré tout. Parce qu'on rien ne se crée jamais à partir de rien, on retrouve dans l'histoire des droits d'auteur des éléments, des rudiments qui sont anciens, mais qui vont encore prévaloir au XXIe siècle. Donc c'est amusant de voir combien parfois on réécrit la même chose, mais avec des mots différents et dans des circonstances économiques et sociales différentes. Donc du point de vue du droit d'auteur, c'est pas une grande surprise que de vous dire que à l'Antiquité, c'était pas fondamental l'idée de reconnaître le droit d'un auteur sur une œuvre, c'était pas une préoccupation fondamentale. Ça, je crois que c'est pas un mystère. Je ne lève pas le voile sur quelque chose de secret. C'est une question qui ne se pose pas. À l'Antiquité, on va donc se rendre compte que l'auteur, au fond, attendez, je vais trop vite. On va se rendre compte que je vérifie si je si oui c'est ça. On va se rendre compte à l'Antiquité surtout que ce qui est à prendre en considération dans la on parle pas de droit d'auteur, mais ce qui est à prendre en considération à l'époque romaine, c'est précisément et surtout le fait que certains éléments peuvent valoir un certain intérêt sur le plan intellectuel, sur le plan poétique, sur le plan créatif. Un certain nombre donc, d'éléments peuvent valoir de l'intérêt. Il peut être intéressant de les prendre en considération, comme il peut être intéressant de signaler qui a composé, par exemple, un poème, ou qui a composé des vers, qui est l'auteur. Mais l'idée de rémunérer ne va pas du tout être au centre des débats. Au contraire, les auteurs sont flattés, les poètes sont flattés ou les musiciens sont flattés qu'on les appelle pour jouer les œuvres, pour les produire, pour les représenter. Et on trouve même tout à fait normal, d'ailleurs, et ça c'est pendant très très longtemps, on trouve tout à fait normal que quelqu'un se livre gratuitement à ce type de prestations. qu'on trouve tout à fait logique. Quelque part, c'est un honneur que l'on fait à l'auteur que de l'écouter. On reconnaît donc son talent, et le simple fait qu'on reconnaisse son talent signifie qu'il est payé, en quelque sorte. Hein. Et c'était d'ailleurs une des questions cruciales de, lors des grandes discussions historiques sur le droit d'auteur, des questions cruciales qu'a fait valoir, enfin, qu'a posé Beaumarchais, parce qu'il il a dans l'histoire plus tard, parce que Beaumarchais a représenté le mouvement des auteurs en France. Une des questions cruciales qu'il va poser, c'est celle de savoir, mais est-ce que c'est normal que l'on paye les comédiens, est-ce que c'est normal que l'on paye, que l'on utilise nos travaux, nos textes, j'y reviendrai, alors que l'on paye tous ceux quelque part qui les exploitent. Je vais dans un café, un restaurant, je paye la consommation, mais je ne paye pas la communication d'une œuvre. Le fait de jouer une œuvre, c'est anormal. Les sociétés d'auteurs, il n'y a pas tellement longtemps, lorsqu'on a revu la loi sur le droit d'auteur dans les années 80-90, une des grandes déclarations des représentants des sociétés d'auteurs, pour justifier encore le principe de la rémunération, donc là on est au 20e siècle quand même, c'était de dire, on trouve normal de payer un plombier, pourquoi est-ce qu'on ne paye pas un auteur? Bon, la comparaison est un peu bizarre, mais c'est vrai que cette idée d'essayer de professionnaliser, entre guillemets, de reconnaître un statut à la profession de celui qui crée et qui enrichit la culture, est une considération, en dehors du contrat de travail, parce qu'on verra pourquoi, est une considération qui est... Pourquoi est-ce qu'on n'honore pas, n'est-il pas normal d'honorer et de rétribuer les personnes qui nourrissent l'environnement culturel et qui donnent un élément essentiel à l'existence. Donc c'est une... À l'époque romaine, en tout cas, cette question n'apparaît pas, mais néanmoins, on a déjà quelques petits éléments, notamment dont on a donc une reconnaissance d'un droit moral de paternité, donc on a quelques petits éléments sur l'identité de l'auteur du texte, on a quelques éléments qui apparaissent dans des fragments soit de textes anciens, soit dans des livres, des ouvrages, des poèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est le corpus, ce qu'on va appeler en droit le corpus, donc iuris civilis, parce qu'il y a un peu de latin de temps en temps, le corpus iuris civilis, qui est au fond un code, une compilation de droit romain antique, qui a été faite par, donc au 6e siècle après Jésus-Christ, par l'empereur Justinien, et qui avait le mérite de codifier, si vous voulez, toute une série de règles. Ce qui est très intéressant si on cherche la source de la réflexion en matière de droit d'auteur, c'est que déjà à l'époque, on a une réflexion sur ce qu'on va appeler la propriété incorporelle. Alors en droit, ça veut dire quoi ? Propriété incorporelle, ça veut dire une propriété immatérielle, qui n'a pas un corpus, si vous voulez, qui n'a pas un corps, qui n'a pas une matérialité. Et c'est vrai que la création, c'est immatériel, c'est incorporel, c'est non tangible. Le résultat de la création, les juristes sont très forts pour distinguer ce qui est tangible, pas tangible, corporel, incorporel. On a toute une série de classifications. Pour les étudiants en gestion culturelle, on fonctionne beaucoup par catégorie. Enfin, tout est catégorisé, c'est un univers assez sécurisé, sauf que le législateur n'a pas toujours tout prévu, et que donc les juristes servent à justement interpréter pour trouver des solutions également à la loi lorsque le législateur n'a pas tout prévu. Mais on fait beaucoup de catégories sur l'incorporel, par exemple, et le corporel. Eh bien, le droit d'auteur, c'est un droit immatériel qui protège une création immatérielle. Donc c'est l'acte de créer qui est protégé et qui va se traduire dans un objet classique. Ça peut être un livre, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une partition de musique. Et cet objet, lui, va faire l'objet d'un droit de propriété. Donc on devient propriétaire d'un livre, on devient propriétaire d'un manuscrit, on devient propriétaire d'une sculpture. Mais parallèlement à ça, existe un droit non tangible, immatériel, qui est le droit d'auteur, qui est ce droit de protéger donc l'acte de création. Et à l'époque justement de Justinien, on retrouve une réflexion qui est faite par la pensée de compilation qui dit les choses incorporelles, parce qu'elles se prêtent mal à l'appropriation, ne peuvent faire l'objet d'une propriété ordinaire. Donc c'est assez mature comme réflexion. Les choses incorporelles, effectivement, ne peuvent pas faire l'objet, parce qu'elles se prêtent mal à l'appropriation. On trouve cela donc dans le corpus. Parce qu'elles se prêtent mal à l'appropriation, ne peuvent pas faire l'objet d'une propriété ordinaire. Je trouve ça extrêmement moderne comme réflexion. Pourquoi ? Parce que, comme le droit d'auteur ou comme la protection de la création porte sur quelque chose d'incorporel, on peut avoir une réflexion quant à la question de savoir est-ce qu'on peut l'identifier, est-ce qu'on peut l'assimiler à un droit de propriété classique qu'on a sur un objet classique. Et la réponse est non. Non. Pourquoi ? Parce que souvent, ces créations sont à la frontière du savoir, à la frontière des idées, à la frontière de l'inspiration. Et donc, on peut, à bien des égards, estimer qu'un droit de propriété qui est perpétuel est excessif et que si la protection est trop étendue, on ne pourra pas recréer des choses à partir de choses qui existent déjà. D'où l'idée que ce qui est lié à l'effort intellectuel, à la prestation, à la création intellectuelle, qui est de nature incorporelle, l'idée est de ne pas vouloir protéger cela de la même manière que l'on le ferait à travers un droit de propriété. Même si on va petit à petit au fil du temps reconnaître une forme d'appartenance, une forme de propriété, mais une appartenance de l'œuvre à son auteur. Mais cette forme d'appartenance ne va pas s'assimiler à un droit de propriété. On va construire un système juridique qui va tenir compte du fait que le droit d'auteur se heurte aussi à d'autres intérêts, notamment la libre circulation de la création, la libre circulation à certains égards des contenus, du savoir, des idées, d'autres éléments, à l'information, qui peuvent justifier le fait qu'on n'assimile pas la propriété incorporelle à un droit de propriété traditionnel. Donc, on trouve cette réflexion déjà à l'époque de Justinien. Et lorsque on aborde éventuellement des racines du droit d'auteur, on va surtout les trouver. Oh, attendez, on va surtout vite fait. Hein. On va surtout les retrouver dans la notion d'appartenance. C'est ici dans la notion plutôt de commerce, d'appartenance, mais dans le sens de l'identification. C'est-à-dire que ce qui va intéresser les Romains, c'est le fait de pouvoir identifier la provenance, d'où vient par exemple une huile, d'où vient par exemple un parfum, plutôt une huile, c'est surtout le vin, d'où cela vient-il, et pour être certain que l'on puisse éviter les huiles frelatées ou les huiles de mauvaise qualité, etc., on va promouvoir l'idée de signer. Et cette idée de signature ne va pas apparaître à propos des œuvres en tant que telles, mais elle va apparaître à propos de certains éléments qui vont faire l'objet de commerce long des côtes de la Méditerranée. Et c'est peut-être les premières bases, les premiers rudiments de propriété incorporelle qu'on va voir apparaître, morale, dans notamment le commerce d'amphores ou d'huile et de vin. Mais ça va s'arrêter là. Et on va très fort, au fond, se focaliser sur la notion de provenance, la notion de pureté, entre guillemets, de qualité du produit, de l'origine du produit, de garant, de la certification, plutôt que l'idée de reconnaître un statut à quelqu'un qui aurait créé quelque chose. Donc, vous voyez, c'est une orientation qui est assez pragmatique en définitive. Et ceci dit, le terme auteur nous vient en réalité du latin, malgré tout, du terme auctor, qui lui-même vient du terme augeo. Et le terme augeo peut à la fois signifier augmenter, mais il veut aussi signifier également garantir. Et l'auteur, c'est aussi le garant. Donc, à l'époque romaine, l'auteur, c'est avant tout le garant du contenu, le garant de la provenance, le garant de le garant, par exemple, d'une information. Le terme auteur peut avoir plusieurs significations, donc on le voit au fil du temps. C'est à la fois le garant d'une information par extension, ça peut être sa source historique, mais c'est aussi celui qui agit, celui qui est l'initiateur d'une action, c'est-à-dire celui qui est l'auteur d'une loi. Et alors, au sens moderne du terme, c'est évidemment le créateur, celui qui apporte quelque chose à la société, à la culture, et qui apporte une valeur plus ou moins sûre de nature à enrichir celle-ci. Donc on voit une évolution qui, au fil du temps, mais qui est confuse à l'époque romaine. Puisque on va d'abord mettre l'accent sur le garant, mais petit à petit, c'est vrai que ça peut être celui qui va agir, ou ça peut être celui qui embellit une situation particulière. Ceci dit, la notion d'auteur n'est jamais utilisée au sens juridique du terme à l'Antiquité. Donc il n'y a pas de signification, il n'y a pas de concept d'auteur. Et ce que l'on va retrouver à l'Antiquité, plutôt, c'est des réflexions morales sur l'identité ou la paternité. Donc, si la notion d'auteur n'est pas en tant que telle, n'a pas de statut juridique, ce qu'on retrouvera à l'Antiquité, c'est le fait que le plagiat est très mal vu et moralement sanctionné. Donc, encore aujourd'hui, hein, c'est le plagiat, et aujourd'hui c'est très ancien. Et donc là, on retrouve quelque part de manière indirecte l'idée de l'auteur. Puisque le plagiat est lourdement sanctionné, lourdement, moralement lourdement sanctionné, les gens qui se livrent à des plagiats peuvent se voir qualifiés de voleurs et même exclus de la cité. Il y a des cas qui se retrouvent dans des textes anciens, qui sont évoqués dans des textes anciens, notamment des textes de Vitruve qui racontent et qui exposent des situations où certains jurys de textes sont confrontés à des plagiats et sanctionnent les auteurs de ces plagiats en les excluant de la cité et en les qualifiant de voleurs. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, quand vous vous livrez à du plagiat, vous êtes toujours, je ne vais pas dire exclu de la cité, mais c'est ça, vous êtes exclu, vous pouvez être exclu de l'université. Vous vous souviendrez que le président de l'université lui-même en a fait les frais, enfin l'ancien président, puisque le plagiat l'a moralement contraint à devoir démissionner. Donc vous voyez la force malgré tout encore de, il y a quelques années, son texte avait été apparemment, enfin je ne connais pas les détails de l'affaire, mais il a été, on a estimé, enfin l'auteur de son texte était fortement inspiré, si je puis dire, c'est quand même un peu pathétique au niveau de l'université, mais c'était fortement inspiré, n'avait pas mis et cité les sources de son discours, je pense, si je me souviens bien. Donc on retrouve, comme à l'époque contemporaine, on retrouve ces réflexes, c'est-à-dire les réflexes de garant, parce que c'est vrai qu'on aime bien encore à l'époque contemporaine de savoir qui est l'auteur d'une œuvre. On aime bien savoir, mais qui a fait cette œuvre? On n'aime pas trop les nègres, on n'aime pas trop ça. On ne le dit pas, mais on n'aime pas trop. C'est encore très commun, c'est existé, donc c'est fort pratiqué. Il y en a beaucoup qui gagnent leur vie comme ça, et c'est très bien pour eux. Mais néanmoins, la conscience populaire n'aime pas trop le nègre. Elle trouve ça un petit peu... elle trouve que c'est fausser les choses à certains égards. On a pas mal... À l'époque, la seule chose, c'est que le nègre est autorisé, il est engagé. Mais le plagiat est encore socialement répréhensible, comme il l'était. Donc on trouve des éléments sous-jacents. On aime bien donc à la fois cette notion de garant, mais aussi on est sensible à cette idée, entre guillemets, d'embellissement que l'on trouve à l'époque romaine et à laquelle on est sensible également. On est sensible encore à l'époque contemporaine à cette idée de signature, malgré tout, pour des motifs un petit peu différents, mais proches. Donc, proche des éléments, des rudiments, mais qui ne donnent pas de statut en tant que tel. Néanmoins, les choses peuvent évoluer et évolueront. Alors, elles vont évoluer surtout à la Renaissance et à l'âge des Lumières. Je vais vite, hein. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, en définitive, Moyen-Âge est une époque passionnante, mais pas tellement dans nos matières. En droit d'auteur, le Moyen-Âge est une époque qui est tout à fait morte, si je puis dire, parce que on est dans l'anonymat. Or, l'auteur, le droit d'auteur, c'est le droit d'affirmer la personnalité de l'auteur, celui qui écrit, celui qui crée. Donc, évidemment, quand on parle d'anonymat, au Moyen-Âge, on est dans une situation où vous avez des érudits qui travaillent, des copistes aussi, qui travaillent les œuvres des anciens, qui font certes des commentaires parfois très très détaillés de ces travaux des anciens, ce qu'on va appeler des sommes. Mais la difficulté à l'époque, c'est évidemment les moyens à la fois de reproduction, puisqu'on travaille en tant que donc, façon manuelle, et les moyens de diffusion qui sont extrêmement limités. Donc c'est pas une époque faste du tout pour la circulation des œuvres, c'est évidemment pas une époque faste pour la question du statut de l'auteur. C'est une époque sombre et qui n'est absolument pas propice à l'éclosion de la propriété littéraire et artistique. Par contre, à la Renaissance, avec l'invention de l'imprimerie, comme dans d'autres secteurs, on va avoir une véritable révolution qui va être peut-être le premier événement significatif qui va propulser le devenir du droit d'auteur petit à petit à travers les siècles. Parce que à l'époque lors de la découverte de l'imprimerie en 1454, on va tout d'un coup assister à la naissance d'une industrie, progressivement, à la reconnaissance d'une valeur économique à l'ouvrage, ça c'est important, puisque avant cela, il n'y avait pas de valeur économique. Les gens travaillaient seuls dans leurs cellules, ils copiaient, ils reproduisaient, c'était très, très confidentiel. À l'époque de l'imprimerie, les livres circulent, on produit, on commence à pouvoir assurer des grands réseaux, on a, par rapport à l'époque du Moyen-Âge, on a des circuits de distribution, et on commence à parler d'exemplaires. D'exemplaires qui vont, au fond, circuler et de capacité de produire et de diffuser à plus grande échelle. Et donc, effectivement, les livres acquièrent une véritable valeur économique. Du coup, en France comme en Italie, on voit surgir, et dans d'autres pays, mais ce sont des pays intéressants pour la défense des droits d'auteur, en France ou en Italie, on voit apparaître une nouvelle catégorie socio-professionnelle qui est la catégorie des imprimeurs libraires, qui est une catégorie dont on ne parlera pas nécessairement d'éditeur d'anglais, hein, c'est l'imprimeur libraire, il imprime et il distribue. Cette profession va s'organiser au travers de vastes corporations, de guildes, et très vite, elle va se retrouver dans une situation à vouloir revendiquer une protection du pouvoir. Une protection du pouvoir parce qu'elle veut, à l'époque, lutter contre la concurrence, entre guillemets, elle veut s'arroger un avantage dans la concurrence, et elle veut également se protéger de copies, entre guillemets, parasitaires. Vous voyez, c'est un concept assez moderne, hein, qu'on connaît bien encore au XXIe siècle, la copie parasitaire, le fait de reprendre tous les investissements de quelqu'un, le travail de mise en forme, de fabrication, et puis de le reproduire assez facilement en faisant l'économie la vérification de l'ouvrage, de la relecture des manuscrits, etc. On voit la profession donc s'organiser et désireuse d'obtenir une véritable protection. Alors, c'est vrai qu'au départ, certains moyens financiers se mobilisent, les moyens financiers. On développe une certaine industrie, d'ailleurs très très très belle, hein, quand on voit les premiers ouvrages. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, souvent à Heidelberg, il y a tous les 10 ans, il y a des rétrospectives sur les ouvrages qui ont été publiés à la Renaissance. Et lorsque vous voyez les premiers ouvrages, les vrais premiers ouvrages, c'est fascinant de travail et de soins. Et il est certain que à l'époque, la question déjà du monopole, donc la question, on ne parlera pas de monopole comme ça en tant que tel, mais la question du monopole, c'est-à-dire l'exclusivité sur quelque chose, le fait d'avoir un pouvoir seul, exclusif, d'autoriser, de garder l'utilisation de gérer l'utilisation de quelque chose va évidemment apparaître. Et pour se prémunir de la concurrence, les libraires, les imprimeurs libraires vont se tourner vers le pouvoir royal pour essayer d'obtenir une forme de monopole d'exploitation. Et on va retrouver cette idée de monopole avec comme contrepartie, enfin comme un élément sous-jacent, la rentabilisation des investissements qu'impliquent les travaux de révision des ouvrages et de fabrication des manuscrits. Et c'est là que les imprimeurs vont obtenir les fameux privilèges du pouvoir royal qui leur sera concédé pour des durées limitées, privilèges qui vont se traduire donc par ce droit d'opposition, ce droit d'exclusivité, de pouvoir s'opposer à des actes d'exploitation de tiers, d'autres concurrents. Le pouvoir lui-même va accorder relativement aisément ses privilèges. Vous voyez pourquoi le pouvoir royal, au fond, il trouve... C'était une façon de contrôler, en fait, la diffusion de... S'il donnait le privilège à certains éditeurs, il pouvait les tenir responsables, en fait, de ce qui est publié. Ça évitait, en fait, au... Tenir responsable, vous voulez dire quoi? De pénaliser, voilà. Par exemple, dans le cadre du protestantisme, ce qui était intéressant pour le roi de France, c'est d'éviter la diffusion de certains ouvrages qui allaient à l'encontre. Du coup, en fait, pour éditer certains, enfin tous les ouvrages en général, il fallait une permission royale jusqu'à la Révolution française. Si je me trompe. Oui, c'était effectivement, on arrive dans des, en tout cas, enfin, on va voir qu'il y a des nuances. Hein. On peut pas dire que c'est que des privilèges aux libraires, mais c'est exactement ça. Le pouvoir royal, il y trouve un confort extraordinaire. Pour finir, ça arrange tout le monde. Puisqu'il peut contrôler le contenu des œuvres, il peut éviter que des choses s'écrivent contre lui, il a une véritable censure par le privilège, il peut donner le privilège, il a donc tous les courtisans qu'il lui faut, le pouvoir royal. Il a un merveilleux instrument pour régner, je dirais, pour asseoir son règne de manière confortable. Bon, il y a eu des limites évidemment dans l'histoire, mais au départ, c'est un instrument formidable pour contrôler les esprits. Alors, dans un premier temps, est-ce que ça vous semble normal qu'on octroie un privilège au libraire-imprimeur, qu'on va qualifier après d'éditeur? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça logique? Vous avez vous-même dit, c'était des objets qui étaient construits, des beaux manuscrits, donc du coup, je pense qu'il y avait une valeur à la création de l'éditeur. Voilà. De ce point de vue-là, oui. Mais il y a un autre élément, on peut dire ça, mais il y a un autre élément, si vous voulez, qui, au fond, coule de source. Effectivement, il y a à la fois l'aspect économique, hein, on voit que les investissements sont faits par les libraires. Mais il y a un autre élément qui est le fait qu'au départ, les ouvrages qui vont être reproduits, ce sont surtout des textes anciens qui sont des textes religieux ou des textes juridiques et qui n'ont pas vraiment la question d'auteur n'est pas. Ce sont des ouvrages qui n'ont pas véritablement d'auteur. Et donc ça aussi sur le plan sociologique, intellectuel, indépendamment de l'économique, on trouve ça normal. Que ce soit l'éditeur qui ait les droits. Et petit à petit, donc la question que l'éditeur ait le privilège coule de source et va se perpétrer, mais va se prolonger par rapport à des textes qui sont écrits par des véritables auteurs. Donc ça vient naturellement d'un certain mouvement qui trouve sa source dans le fait que les textes sont des textes sans auteur au départ et qui effectivement, comme vous le dites très bien, il y a cet investissement. Mais petit à petit, tout d'un coup, ça arrive souvent, lorsque vous examinez l'évolution du droit, on part d'une hypothèse, et puis naturellement, ça file sur d'autres hypothèses. Sauf que lorsqu'on réfléchit aux autres hypothèses sous-jacentes, on se rend compte que naturellement, on aurait peut-être dû avoir une réflexion plus importante. Mais ici, naturellement, l'eau coule et on va englober des œuvres avec des véritables auteurs. Alors le premier grand privilège, on le voit toujours à Venise d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut la peine. C'est un Jean de Speer, donc c'est un Allemand, von Speer, qui a obtenu d'un doge peut-être un des plus anciens privilèges. Et c'était une époque d'ailleurs assez faste où Venise se développe. Elle n'est pas encore victime des agressions turques. Et elle prend possession de Chypre, et donc elle est véritablement la sérénissime, en fait. Hein. C'est une époque face pour Venise. Vous avez aussi des prix d'autres types de privilèges, les émis ici, vous ne devez pas les connaître, mais c'est juste pour illustrer. Vous avez aussi des privilèges qui sont reconnus à des joueurs de lutte c'est Henri II qui reconnaît à celui qui le berce un privilège parce qu'il souhaite que ce soit lui qui est. Il y a des très beaux écrits à ce sujet, qui souhaite que ce soit lui qui soit quelque part un peu, qui soit quelque part un immortel, comme il le dirait par la voix de son privilège. Alors vous me direz, oui, mais bon, est-ce qu'ici on tient compte de ce qui est sous-jacent? Est-ce que quand on a un véritable auteur, on tient compte de ce qui est sous-jacent? Mais non. On ne tient pas compte de qui est sous-jacent, effectivement, jusqu'à la Révolution française. La propriété littéraire et artistique a pour référence clé les privilèges d'édition. On ne tient pas véritablement compte de ce qui est sous-jacent, mais néanmoins, c'est quand même l'œuvre, si on y réfléchit, l'œuvre d'un auteur qui va supporter qui va être couverte du privilège, et donc l'auteur va pouvoir bénéficier d'une protection indirecte. C'est son travail original, au fil du temps, lorsque les auteurs se manifestent, c'est son travail original qui va faire l'objet d'une... qui est l'objet matériel, en réalité, du privilège. Cette pratique du privilège, d'ailleurs, va donner lieu à pas mal de conflits dans l'histoire du droit d'auteur, jusqu'à ce que le droit d'auteur puisse s'affirmer dans sa modernité. Mais cette époque des privilèges va donner lieu à des mouvements de grande progression, puis des mouvements de repli, notamment entre le pouvoir royal, les éditeurs qui ont usage des privilèges, et les auteurs qui sont donc les véritables... auteur des ouvrages protégés par les privilèges. Donc il va y avoir des mouvements de progression et de repli liés aux conflits qui sont sous-jacents, mais l'idée malgré tout que les auteurs détiennent un droit sur leurs œuvres apparaît au XVIe siècle, et elle va apparaître dans cette confrontation permanente entre ces trois acteurs, si vous voulez, qu'est le pouvoir royal ou le conseil du roi dans certains cas, l'éditeur, les libraires, notamment les libraires imprimeurs, et les auteurs. Et on verra que, on va voir apparaître d'ailleurs, dans certains cas, même des conventions particulières. On a le début des premières conventions où on voit qu'un éditeur, qu'un libraire imprimeur va rémunérer un auteur. On va aussi voir apparaître des privilèges accordés aux auteurs. Mais ce sont des privilèges qui sont des privilèges d'une nature plus particulières. Ce ne sont pas les mêmes que les privilèges qui sont accordés aux éditeurs imprimeurs. Mais tout d'un coup, on va parallèlement aux privilèges qu'on va reconnaître aux imprimeurs libraires, on va reconnaître notamment, par exemple, un des privilèges qui avait été pas mal négocié par Rabelais, et bien connu dans l'histoire de la propriété littéraire et artistique, parce que Rabelais n'avait pas réussi à obtenir des privilèges pour l'œuvre de Pantagruel. Et donc l'œuvre de Pantagruel est faite de différents volets. À l'époque, le livre 1, le livre 2, il avait échoué pour obtenir des privilèges. Il avait eu beau harceler le pouvoir royal, il n'y était pas arrivé. Mais néanmoins, il arrive à ses fins François Ier va délivrer un privilège à Rabelais pour le tome 3 et 4. Et comme il est quelqu'un de, malgré tout, extrêmement déterminé et entêté, il va obtenir, et c'est même juridiquement assez amusant, il va obtenir un effet rétroactif à son privilèges pour ces fameux tomes 1 et 2 pour lesquels une confiscation est possible. Donc il n'a pas, si vous voulez, il obtient par un effet rétroactif lorsqu'il obtient son premier privilège, il obtient la capacité de confisquer des reproductions qui ne lui conviennent pas en réalité. Donc il y a quand même cette capacité-là par un effet rétroactif qui peut concerner par exemple des publications. Mais alors l'auteur qui a un bon, là il a obtenu un droit de confiscation, mais l'auteur qui obtient un privilège n'a cependant pas, normalement, n'a pas le droit de l'imprimer, parce qu'on ne veut pas porter atteinte à l'activité économique des libraires imprimeurs. L'auteur donc qui obtient un privilège n'a pas le droit de l'imprimer et n'a pas le droit de le distribuer ni de le diffuser. Il a le droit de céder l'exploitation par contre de son privilège à l'imprimeur. C'est comme ça qu'il y a certaines parfois conventions qui sont conclues avec des rétributions. Donc, vous voyez déjà, on retrouve cette idée moderne du droit d'auteur d'aujourd'hui qui est que le droit, sauf que le droit, ici, il y a un privilège reconnu à un auteur. Ici, ce n'est pas un privilège, mais c'est un droit de monopole. Donc on peut encore dire éventuellement que c'est une forme de privilège, mais c'est reconnu selon des modalités différentes, qui peuvent être cédées à l'entité économique qui va exploiter l'œuvre. Donc on retrouve déjà ce mécanisme à l'époque. Et ceci dit, la question des privilèges va donner lieu à toute une discussion sur leur durée. Puisque très vite, la durée est limitée par 3, 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans. Mais très vite, les éditeurs vont trouver que ce n'est pas suffisant. Si vous y pensez, droit d'auteur aujourd'hui, vous savez quelle est la durée du droit d'auteur aujourd'hui ou pas ? 70 ans après la mort de l'auteur. Donc effectivement, vous le connaissez, donc vous voyez comme c'est long. Bon, à l'époque, c'est des privilèges 3, 4, 5 ans. Lorsque un droit d'auteur est cédé à un éditeur, il a une durée d'exploitation qui est très longue. Donc c'est pas étonnant que déjà à cette époque, les éditeurs vont tourner vers le pouvoir royal en demandant une prolongation. Et surtout, par exemple, dans l'histoire du droit d'auteur, les librairies de Paris, très revendicatrices, très puissantes, vont se tourner vers le pouvoir royal pour demander des privilèges perpétuels. Parce qu'elles estiment que, compte tenu de l'importance de l'investissement, du travail et de l'engagement de l'imprimeur libraire, il est assez normal que le pouvoir royal leur reconnaisse un privilège aussi long. Ce qui est étonnant ici, c'est que le pouvoir royal n'est pas nécessairement opposé à ça. La seule chose, c'est qu'il ne souhaite pas privilégier des personnes qui sont de nature à l'inquiéter. Mais l'idée d'accorder des prolongations de privilèges ne rencontre pas un obstacle vif de la part, une opposition vive dans le chef du pouvoir royal. Ce qui va plutôt se passer, c'est que c'est le Parlement qui va s'opposer à cela et qui va, dans certains cas d'ailleurs, complètement annuler le privilège octroyé par le pouvoir royal. Et on va voir des conflits surgir entre le Parlement et le pouvoir, notamment à propos de l'annulation de certains privilèges. Un des cas que l'on cite souvent dans l'histoire du droit d'auteur, c'est le fameux privilège qui a fait l'objet d'une annulation par le Parlement et qui est un privilège qui concerne l'œuvre de Muret, qui est représentée là d'ailleurs, et qui est un privilège qui. Muret, donc, c'est un, vous le connaissez peut-être, c'est un poète, c'est un érudit qui connaît bien Sénèque, et lors de son décès, ses amis veulent reprendre ses travaux et les publier. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de privilège. Donc, c'est sans privilège. Et voilà que le roi va accorder un privilège d'édition et de publication à un certain Nicolas Nivelle, qui donc fait barrage à la mise en valeur des travaux de Muret par ses amis. Et l'avocat Marion va plaider, c'est un litige très connu dans l'histoire de la propriété littéraire et artistique, parce que l'avocat Marion va plaider devant le Parlement, il va obtenir la nullité du privilège des Nivelles. Et dans sa plaidoirie, pourquoi est-ce qu'on parle de cette affaire? Pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce que dans sa plaidoirie, l'avocat Marion va plaider sur une base intellectuelle, va plaider, énoncer des principes qui sont des principes qui recoupent un petit peu les principes sous-jacents au droit d'auteur plus moderne. Et il dira, alors qu'à l'époque, on ne voit pas les choses de cette manière-là, il dira ceci. L'auteur d'un livre en est dû tout maître et comme tel peut en disposer librement. Donc on retrouve cette idée que l'auteur du livre en est le maître, qu'il peut en disposer librement, même le posséder, alors vous verrez l'analogie, toujours sous sa main privée, ainsi qu'un esclave, ou l'émanciper en lui concédant la liberté. Et il ajoutait, la raison en est que les hommes, les uns envers les autres, par un commun instinct, reconnaissent en chacun d'eux, et en son particulier, être seigneur de ce qu'il fait, invente et compose. Et donc cette plaidoirie de Muret va mourir d'autres litiges, d'autres plaidoiries, qui vont petit à petit conduire à une forme d'émancipation de la propriété littéraire et artistique et d'émancipation des auteurs. Ici, j'ai représenté ceci dit. Tout n'a pas toujours été simple. Ici, je vous cite le cas de Muret, où on a quelque part, au fond, rencontré l'esprit peut-être de l'auteur qui était de laisser à ses amis le soin de publier son œuvre sur Sénèque. Mais on verra, on voit très bien que dans certains cas de figure, et comme je vous le disais, il y a beaucoup de batailles au niveau des privilèges, dans certains cas de figure, c'est des conflits complets, des conflits ouverts, où on a une destruction complète plutôt du droit de l'auteur sur son œuvre, et on le voit notamment dans l'affaire d'Antan les privilèges, qui concerne certaines œuvres de Molière, où Molière éructe à l'égard du pouvoir royal, parce que il constate que certaines de ses œuvres font l'objet d'un privilège d'édition là où il ne veut pas que ses œuvres soient éditées. Et donc, par exemple, Les Précieuses Ridicules, c'est un des cas. Dans la préface, si vous lisez les Précieuses Ridicules, vous verrez que Molière conteste le fait de ce privilège qui a été accordé à Guillaume de Luynes et qui est qui est pour une durée de 5 ans. De même, Corneille, lui, va rencontrer d'autres problèmes. Ce n'est pas nécessairement des problèmes liés au privilège accordé à un auteur, mais lui, Corneille, va rencontrer, lui, des véritables difficultés, notamment par rapport au privilège pratique qui est donné aux troupes de théâtre, aux comédiens, par rapport aux auteurs et aux écrivains, et qui plonge parfois les auteurs dans des situations très injustes, qui font que lorsqu'une pièce est en création, elle appartient à la troupe et pas nécessairement à l'auteur, et qu'une fois qu'une œuvre est publiée, elle tombe dans le domaine public, elle appartient à tout le monde. Donc tout le monde peut la reprendre et la créer. Ce qui a pour conséquence que lorsqu'un tel régime est appliqué, les œuvres sont publiées très tardivement. Et donc sont, en définitive, n'apparaissent pas sur la scène publique dans l'intérêt de leur auteur. Elles sont captées en général par les troupes de comédiens, comme Corneille a pu le vivre. Mais en même temps, je dirais qu'au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, cette idée, l'idée qui apparaît à travers les privilèges, dans certains cas d'auteur, dans d'autres cas dans les rémunérations contractuelles, dans les plaidoiries de certains avocats, devant le Parlement, cette idée au XVIe siècle qui apparaît doucement que les auteurs détiennent un droit sur leurs œuvres, va s'affirmer davantage au XVIIe siècle, où la profession d'auteur commence à être une profession qui est digne d'estime et qui peut faire l'objet d'une véritable rémunération dans certains cas encore, pas de façon généralisée, mais dans certains cas. En Angleterre, on verra que on a une loi très très moderne pour l'époque, qui est donc la loi de la reine Anne de 1710, qui est un véritable modèle pour l'Europe, c'est que cette loi va de façon très claire, et la loi n'est pas très longue, de façon très claire, elle va affirmer ce qu'on n'a pas à l'époque en France, ni dans d'autres pays, elle va affirmer de façon très claire le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la reproduction de son œuvre pour une durée donc déterminée, comme la possibilité d'enregistrer son nom personnel sur l'œuvre. Donc on va retrouver, si vous voulez, en 1710, dans la loi de la Reine Anne, on va retrouver les deux principes fondamentaux du droit d'auteur. C'est d'une part le principe qu'il y a un droit exclusif, bon ici c'est limité, c'est toujours limité dans le temps, certes c'est un droit qui est un droit de reproduction, donc c'est pas, on parle de reproduction à l'époque, on ne parle pas de représentation, on ne parle pas de communication publique, on ne parle pas d'exploitation au sens large, mais on retrouve cette idée de droit exclusif, de reproduction, de prérogative, et on va retrouver cette prérogative dite morale dont j'ai parlé en début de cours, qui est attachée à la personnalité de l'auteur et qui est d'affirmer sa personnalité, de mettre son empreinte. C'est-à-dire, c'est moi qui suis l'auteur de l'œuvre et je l'écris, je le fais enregistrer. Déjà, on le trouve dans cette loi de 1710. En France, l'idée de la propriété littéraire et artistique va faire son chemin un petit peu plus lentement. On va avancer moins rapidement, mais va néanmoins faire son chemin au XVIIIe siècle. Et elle va, là encore une fois, apparaître renforcée dans des conflits autour des privilèges entre les librairies de Paris, les librairies de province, dans les plaidoiries des avocats de l'époque, qui sont des... vous en avez peut-être entendu parler, c'est Louis Héricourt, peut-être quelque chose, peut-être pas, mais bon, qui lui est l'avocat au Parlement, qui va plaider en faveur des éditeurs de Paris qui souhaitent avoir à l'époque des privilèges plus étendus, qui ont obtenu des prolongations de privilèges. Il va plaider pour défendre la nécessité d'avoir des prolongations de privilèges, que le pouvoir royal aille vers des privilèges plus étendus en raison de la situation économique, vers des privilèges perpétuels. Et il va donc plaider à l'encontre des librairies de province qui ne sont pas privilégiées. Province, on dit distinguer Paris-Province, qui ne sont pas privilégiées et qui s'opposent aux privilèges. Et dans sa plaidoirie, Louis Héricourt devant le Parlement, défendant les librairies de Paris, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va défendre l'idée, pour pouvoir justifier la prolongation du privilège, aussi sur le plan intellectuel, pas seulement économique, il va justifier le fait que passé le privilège de l'éditeur, il est assez normal qu'il y ait un privilège en faveur de l'auteur, parce que c'est lui qui est maître de son œuvre, que c'est lui qui est propriétaire, et que donc il faut lui reconnaître un droit propre. Et donc l'idée pour assurer une certaine prolongation des privilèges, c'est de défendre le fait que, outre passer le privilège de l'éditeur, il doit y avoir, doit pouvoir se succéder une autre forme de privilège, qui est le privilège attribué à l'auteur au motif qu'il est maître de son œuvre et qu'il est normal que l'auteur soit ait un pouvoir sur son œuvre. Donc là, vous voyez apparaître, bien sûr, cette idée de droit propre, de monopole, avec cette même conséquence, c'est que le privilège peut être cédé au libraire-éditeur.